السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل أن ندخل في مدارسة سيرة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، أذكركم بعمل عظيم وأحرضكم عليه، وهو حفر بئر في مالي للمحتاجين إلى الماء. Avant d'entrer dans notre sujet, l'étude de la biographie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous informe que certains papas à la mosquée ici ont pour projet le forage d'un puits au Mali. Ils ont pour projet le forage d'un puits au Mali. Et demain, l'un de nos papas va partir ou va voyager. Naam, ainsi ils ont récolté une somme et il manque à cette somme près de 8000 euros. C'est la raison pour laquelle je vous informe de cela pour celui qui souhaite participer à cette grande sadaqa. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الله سبحانه وتعالى nous accorde la réussite dans ce projet. Celui qui voudra donner à la fin du cours, il m'informe de cela. بارك الله فيكم. أين توقفنا في الجمعة الماضية؟ Nous sommes arrêtés à quel événement, sur quel événement la semaine passée? Qu'est-ce qui nous rappelle cela? On a mentionné un grand événement qui a été le décès de la tête des hypocrites. Qui est-il? Naam. Qui était la tête des hypocrites? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. La tête des hypocrites. Il est décédé après avoir tant nui au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux croyants. Et malgré cela, son fils, qui était très pieux envers ses parents, est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé son vêtement pour l'enterrer dedans. Et il lui a demandé aussi de prier sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui, il a invoqué Allah azza wa jalla en sa faveur. Par la suite, Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit de prier sur les hypocrites. Nous avons également parlé de la conversion et de la venue de Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiallahu anhu. S'est converti à l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est grandement réjoui de son islam, a fait ses éloges et l'envoyer dans certaines expéditions. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Jarir était au Yémen. Pour finir sur ce point-là, alors que Jarir ibn Abdillah radiallahu anhu se trouvait au Yémen, il a entamé une discussion avec deux hommes. Il décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mentionnait ses caractéristiques. C'est alors que l'un des deux hommes a dit: si ce que tu dis est vrai concernant ton compagnon, sache qu'il est décédé depuis trois nuits. Et lorsque les gens sont revenus à Al-Madina, ils ont trouvé que cette information était vraie. Donc Jarir ibn Abdillah était au Yémen lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à Al-Madina sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, lorsqu'ils ont expliqué ce hadith, certains ont dit « Kana kahinan », cet homme-là était un voyant. Donc il a eu un djinn qui l'a informé de cela. D'autres ont dit non, mais il avait la science des livres anciens. Il avait la science des livres anciens. Quoi qu'il en soit, cette histoire est étonnante. Nous arrivons dans l'étude de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'an 9, à la fin de l'an 9, ba'd al-hijra. À la fin de l'an 9, avant, après l'égir. Et dans cette période-là a eu lieu un événement majeur, lequel Hajjatu Abi Bakr radiallahu anhu, le pèlerinage de Abu Bakr avec les croyants. Il fut dit qu'ils étaient environ 300. Il fut dit qu'ils étaient environ 300. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés et il a mis à leur tête le meilleur de la communauté, le meilleur des compagnons, le meilleur compagnon qu'ait eu un prophète, alayhi as-salatu wassalam, Abdullah ibn Uthman, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Vous vous souvenez, après l'ouverture de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué une umrah. Il a effectué sa troisième umrah à partir de Al-Jir'ana. Puis il est rentré à Al-Madina. Cela en l'an 8. Et il y a eu un pèlerinage cette année. Chaque année, il y a le Hajj. Dans ce Hajj, il y a eu les musulmans, mais il y a eu aussi les associateurs. L'année qui a suivi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les musulmans pour faire le Hajj. Il a mis à leur tête Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate azimah, sourate at-tawbah, sourate bara'a, la sourate du désaveu. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala annonce et informe la fin de tout traité entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les associateurs. C'est-à-dire que ceux qui ont contracté un contrat avec le prophète alayhi salatu wa sallam pour une durée déterminée, par exemple jusqu'à telle année, ben le contrat restera jusqu'à telle année et ensuite il s'arrête. Et ceux qui n'avaient pas de durée, le contrat s'arrête. On leur laisse un délai déterminé. Dans la sourate, on nous mentionne 4 mois. Et ensuite, il y a une nouvelle situation qui s'établira, que ce soit à Mecca ou que ce soit dans la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les gens de son peuple et autres. Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bara'atum min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin. Parcourez la terre durant 4 mois. Donc durant ces 4 mois, rien ne les touchera de la part du prophète alayhi salatu wassalam et du sahab. Et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et que certes, ils seront humiliés. Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage. C'est le jour du sacrifice. On l'appelle Yom al-Hajj al-Akbar. Le jour du Eid. Le 10e jour de Dhul-Hijjah. Qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Mais si vous Naam, mais si vous vous repentez, ça sera mieux pour vous. Jusqu'à la fin des versets. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Illa alladhina ahadtum minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'a wa lam yuzahiru alaykum ahada fa'atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqin » À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Puis, ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme connu. Et certes, Allah aime les pieux. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ C'est-à-dire qu'ils ne se sont associés à personne pour se mettre contre vous. Ils n'ont pas aidé contre vous. عَلَى كُلِّ حَلْ Voici l'annonce faite dans la révélation de Sourate Bara'a. Et c'est la seule sourate du Coran, la sourate numéro 9, qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Toutes les sourates du Coran, lorsque tu prends le mushaf, avant le Fatiha, tu vois Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est un verset qui a été mis pour marquer la distinction entre les différentes sourates du Coran. Mais dans sourate Bara'a, on n'a pas mentionné Bismillahir Rahmanir Rahim. Le Prophète n'a pas dit aux Sahaba d'écrire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et les savants ont mentionné plusieurs réponses à cela. Certains ont dit, vu que ça mentionne le désaveu, il ne méritait pas de commencer, qu'on commence cette annonce par la mention de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Par la mention de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. D'autres ont dit, c'est la continuité de Sourate Al-Anfal. C'est comme la continuité de Sourate Al-Anfal. D'autres ont dit tout simplement, le prophète sallam ne leur a pas dit d'écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils n'ont pas écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wallahu a'lam. Abu Bakr, radiallahu anhu, a donc fait le Hajj à la tête des musulmans une année, avant le pèlerinage du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on surnomme comment? Hajjatul Wada'. Qu'on surnomme comment également? Indaman. On l'appelle Hajjatul Wada'. Il a plusieurs noms encore. Hajjatul Tamam, Hajjatul Balagh. Et on expliquera, incha'Allah ta'ala, la sagesse de ces appellations. Donc, un an avant le pèlerinage d'adieu, Abu Bakr radiallahu anhu est envoyé par le prophète alayhi salatu wassalam à la tête des musulmans pour effectuer le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wasallam a donc mis Abu Bakr en tant que amir. Certains parmi Rafida, les ennemis des compagnons, une des branches des chiites qui insultent les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et qui se sont désavoués des petits-enfants de Mada, des compagnons, et qui ont refusé de suivre la voie de leurs ancêtres pieux, ont inventé des hadiths pour dire qu'en réalité, ça n'était pas Abu Bakr, le Amir, dans cette délégation pour ce Hajj, mais qu'en réalité, c'était Ali, radiallahu anhu. Et ils ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Abu Bakr avec Omar. Mais par la suite, il a appelé Ali ibn Abi Talib, radiallahu an, et il lui a dit, rejoins Abu Bakr et prends la missive, prends la lettre. Alors Ali, radiallahu an, a rejoint Abu Bakr et il lui a dit, donne-moi la lettre du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, que se passe-t-il? Il lui a dit rien de mal, mais il m'a dit que c'était à moi de faire cela. Et il l'a renvoyé à Médine. C'est-à-dire que Ali ibn Abi Talib ordonne à Abu Bakr, et on n'imagine même pas la scène, de lui donner la lettre, et il lui ordonne de repartir à Médine. Alors, Abu Bakr repart à Médine avec Omar, bien sûr, parce que Rafida déteste les Sahaba, et à leur tête, les meilleurs d'entre eux. Les meilleurs d'entre eux et leurs enfants. Iyadan billah. Alors Abu Bakr serait donc revenu à Médina et aurait dit au Prophète sallam, que se passe-t-il? Et il lui a dit rien, mais seule une personne de ma famille pourra transmettre ce message. Seule une personne de ma famille pourra transmettre ce message. Ce hadith il n'est pas accepté ni acceptable, mais il a été posé par Rafida. Et dans la chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelle Jumay'. Jumay' ibn Umayr. Et c'est un Rafidi. Et c'était une personne qui inventait des hadiths pour exagérer sur les gens de la famille du prophète et pour dénigrer en utilisant ce semblant de considération pour les membres de la famille du prophète, en réalité pour dénigrer les sahaba. Et pour critiquer les sahaba et insulter les sahaba à leur tête, les meilleurs d'entre eux, Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. Ceux dont le prophète a dit les meilleurs des kouhouls du paradis sont Abu Bakr et Omar. Naam, de ceux qui ont atteint un âge avancé sans être vieux, sont Abu Bakr et Omar. À la kulli hal, ils ont tenté de montrer que c'était Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib n'a pas besoin qu'on invente de hadith à son sujet pour montrer sa valeur. C'est un des meilleurs parmi les sahaba, un des meilleurs parmi les hommes, après les prophètes et messagers. Mais Abu Bakr est meilleur que Ali. Puis Omar est meilleur que Ali. Puis Othman est meilleur que Ali. Et ensuite Ali est meilleur que le reste des sahabes, radiallahu anhum. Et c'est leur ordre de khalifa. C'est dans cet ordre de fadl, de mérite, qu'ils ont été califes. Et c'est le compagnon, le bien-aimé du prophète, alayhi salatu wassalam. Il fait partie de sa famille. Il était enfant lorsqu'il est entré en islam et il n'a pas connu le polythéisme. Il n'a pas connu le shirk, radiallahu anhu. C'est l'époux de la meilleure des filles du prophète, alayhi salatu wassalam, Fatima. C'est le père des deux bien-aimés du prophète, alayhi salatu wassalam, Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Hassan et Al-Hussein, les petits-enfants du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il portait, qu'il aimait tant, à qui il faisait des recommandations et qu'il a éduqué, radiallahu anhuma. Ali ibn Abi Talib est celui au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille de Khaybar, ou la nuit de la bataille de Khaybar, « La u'tiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu allaha wa rasoola wa yuhibbuhu allaha wa rasooluh yaftahu allahu ala yaday. » Assurément, demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager, que Allah et son messager aiment. Allah donnera la victoire dans ses mains. Les gens ont passé la nuit à discuter pour savoir qui recevra ce grand honneur. Et Ali ibn Abi Talib était malade. Il se plaignait de ses yeux. Le prophète sallam arrivait au matin et dit « Aïna Ali ibn Abi Talib ?» On lui a dit « Il se plaint d'une douleur aux yeux. » Il a dit « Amenez-le. » On l'a amené entre deux hommes. Puis le prophète sallam lui a fait ruqya ou bien lui a crachoté dans les yeux. Fabari, il a été guéri. Puis il lui a donné l'étendard et il lui a donné des recommandations. Allah Azza wa Jal lui a donné la victoire. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, ses mérites sont très nombreux. Si ce n'est que Ahlul Bida', les gens de l'innovation, à leur habitude, exagèrent soit d'un côté, soit de l'autre, et ils ne restent pas sur le juste milieu à la manière des gens de la sunna, Ahli sunnati wal jama'a. À la kulli hal, est venu dans le recueil de Bukhari Muslim, le hadith d'Abi Hurayrah radiallahu anhu. Il dit Ba'athani Abu Bakr, Abu Bakr m'a envoyé. Donc c'est Abu Huraira qui parle radiallahu anhu. Fi tilka al-hajja fi mu'adhdhin al-yawm an-nahr. Dans ceux qui feront là parmi ceux qui feront l'annonce le jour du sacrifice. C'est le prophète sallam envoyé Abu Bakr pour faire des annonces à la Mecque, afin de purifier la Mecque et de préparer la Mecque, de purifier la Mecque du shirk, de purifier la Mecque de ceux qui font le tawaf nu autour de la Kaaba, comme c'était le cas dans la Jahiliyyah et dans une partie après l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a interdit à ce qu'un associateur fasse le pèlerinage après cette année. Après cette année. Les gens venaient faire le Hajj ou l'Umrah. Et ils conditionnaient de mettre les vêtements de Quraysh. Et celui qui ne trouvait pas de vêtements de Quraysh, pour eux, leurs vêtements étaient impurs. Et ne méritaient pas d'être portés pour Allah Azza wa Jal pour faire tawaf. Qu'est-ce qu'il faisait alors, celui qui ne trouvait pas, subhanallah, se mettait tout nu. Même si c'était une femme. Se mettait tout nu et il faisait le tawaf ainsi, en tentant avec les mains de cacher ce qui peut l'être. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé, ou plutôt a enlevé, supprimé ces mauvaises coutumes et nous a remplacé par la grâce d'Allah Azza wa Jal par le vêtement du ihram. Par le vêtement du ihram. Allah Azza wa Jal, ou plutôt le prophète sallam a donc choisi Abu Bakr et l'a envoyé avec un sahaba. Plus tard, en effet, il a envoyé Ali ibn Abi Talib. Il a envoyé Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib a eu une part dans ce bien, bien évidemment. Il a eu une part dans ce bien. Mais l'amir, c'est Abu Bakr seulement. Il a envoyé Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et il lui a ordonné de faire partie de ceux qui feront l'annonce du désaveu et de la fin de ces différents pactes. Abu Huraira nous dit, « Fa'adhana ma'ana Ali ». Ali s'est joint à nous pour passer l'annonce, pour transmettre le message. Parmi les annonces, il y a donc l'interdiction du hajj pour les associateurs, l'interdiction de faire le tawaf nu, de tourner autour de la Kaaba nu. Il y a également la parole du prophète alayhi salatu wassalam, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina ou muslima. Aucune, ou plutôt n'entrera pas au paradis, n'entrera au paradis si ce n'est une âme musulmane. Ça, c'est une qa'ida dans le din. Celui qui décède sur l'islam, il fait partie des habitants du paradis tôt ou tard. Nas'alullah azza wa jal al jannah. Quant à celui qui décède en dehors de l'islam, fait partie des habitants du paradis. Des habitants de l'enfer. Et il n'entrera jamais au paradis. Et il ne sentira pas son odeur. Et il ne s'approchera pas de la porte du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et a annoncé dans le Coran al-Karim que le mushrik, que l'associateur entre en enfer. Il n'a même pas d'action, de bonnes actions pour les peser sur la balance, accepter chez Allah. Wa la nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Et il nous informe qu'ils tomberont en enfer, iyadan billah. Et il nous informe qu'ils sont les habitants et le combustible de la fournaise. Subhanallah. Ils sont le combustible de la fournaise. Ils nous informent qu'ils ont commis le seul péché qu'Allah Azza wa Jal n'efface pas, ne pardonne pas. Si ce n'est avec le repentir, bien sûr. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Le shirk. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire que celui qui meurt en dehors du tawhid, il fait partie des habitants de l'enfer et n'en sortira jamais. Celui qui décède avec le tawhid, mais des péchés desquels il ne s'est pas repenti et sous la volonté d'Allah. S'il veut, il leur pardonne directement, il lui pardonne directement et le met au paradis. S'il le veut, il le châtie en enfer un temps déterminé, puis il le sauve de l'enfer et il le met au paradis. Mais dans tous les cas, le muslim qui décède sur le tawhid, fait partie des habitants du paradis. Fait partie des habitants du paradis. Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasul wa anna Isa abdullah wa rasul wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhu min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Celui qui témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Isa est son serviteur et messager, sa parole insufflée à Maria, mais une âme émanant de lui, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, il lui sera dit entre, ou plutôt Allah le fera entrer au paradis, selon ses actions, ou quelles que soient ses actions. الله سبحانه وتعالى في القرآن نودي إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Certes, celui qui associe à Allah, c'est-à-dire à Shirk al-Akbar, Allah lui a certes interdit le paradis. Paradis pour lui, il est haram. Il est haram. Wa ma'wahu an-nar. Et s'il ne rentre pas au paradis, il va où? En enfer. Malgré ça, on le stipule dans le verset. Explicitement. On nous dit, son refuge, sa demeure sera l'enfer. C'est-à-dire, il n'y en aura pas d'autre pour lui. Et pour les injustes, nous secours. Personne ne pourra venir faire quelque chose pour lui. Même si c'est un fils de prophète, même si c'est un père de prophète, personne ne pourra le sauver. Et l'histoire du père d'Ibrahim n'est pas loin de vous. Donc, le prophète sallam a fait transmettre cette annonce. Aucune âme n'entrera au paradis si ce n'est une âme musulmane. Et de là, tu vois le grand bienfait de l'islam. La grande valeur de l'islam, et que c'est la chose la plus importante qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée. Tu dois l'étudier, l'appliquer, la préserver et avoir peur de la perdre plus que tu as peur de perdre l'ensemble de tes biens et l'ensemble de tes proches. El Islam Ra'asu Malik, c'est la base de ton investissement, c'est ton apport premier et majeur. Tu peux tout perdre dans ta vie sauf cette chose-là. Et tout ce que tu as dans ta vie doit passer après cette chose-là. Et si tu dois faire un choix ou sacrifier une chose, tu sacrifieras tout sauf cette chose-là. فما أعظم هذا الإسلام هو دين الله رب العالمين الذي رضيه لعباده. Ô combien est grand cet islam. C'est l'islam, c'est la religion qu'Allah agrée pour ses serviteurs. إن الدين عند الله الإسلام. Certes, la religion chez Allah, c'est l'islam. Allah Azza wa Jalla n'accepte aucune religion en dehors de cet islam. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. On remercie Allah Azza wa Jal pour nous avoir honorés de par cet islam. Wa biduni islam la haya. Sans islam, il n'y a pas de vie véritable. Sans islam, il n'y a pas de huda, il n'y a pas de guidé véritable. Sans islam, la personne ashba ma takun bil an'am. Inhum illa kal an'am. Sans islam, la personne est très éloignée de la droiture, des enseignements nobles et de la voie du salut. Falhamdulillahi rabbil alamin. C'est le plus grand bienfait pour lequel tu dois remercier Allah. C'est la plus grande peur que tu dois avoir. La plus grande peur que tu dois avoir, c'est de perdre cet islam. Sufyan al-Thawri, proche de son décès, il pleurait énormément. Or, c'est un grand muhaddith, grand savant, très pieux. On lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que ce sont des péchés que tu as commis? Il a pris des brindilles, il a dit, mes péchés ne sont pas plus nombreux que cela. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des gens des péchés. Naam. Walakin akhaf an uslab al-iman. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais j'ai peur qu'avant de mourir, uslab al-tawhid. On me retire al-tawhid. Je perds la foi. Je perds la foi. Les sahabes avaient énormément peur de cela. Certains parmi eux restaient chez eux et pleuraient de peur d'avoir dit une parole ou commis une action qui pourrait les faire sortir de l'islam. Comme dans la qissa de Thabit ibn Qais, radiallahu anhu. Donc Abu Bakr, radiallahu anhu, est parti faire ce hajj. Par la suite, le prophète a envoyé aussi Ali ibn Abi Talib. Et pendant les jours du hajj, ils passaient, na'am, et ils informaient l'ensemble des pèlerins de ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait transmis, que ce soit les versets, na'am, ou que ce soit des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants expliquaient la sagesse. Pourquoi avoir aussi envoyé Ali ibn Abi Talib pour al-bara'a, pour le désaveu? Les savants ont répondu que ta'arafat al-arab ala hadha, que l'habitude connue chez les Arabes était que pour contracter le pacte, le contrat, ou le défaire et l'annuler, seul Sayyidul Qawm faisait cela, ou un de ses proches. Ça, c'était l'habitude. C'est ce qui était connu chez eux. Donc, quand on devait faire un contrat important, ou bien l'annuler, ça devait être le chef qui venait. Ça devait être le chef, le gouverneur, la tête. Et c'était le prophète sallam ici. Ou une personne de sa tribu ou un proche à lui. Alors le prophète sallam, on va dire Ali ibn Abi Talib, comme a expliqué Ibn Taymiyyah. Mais ça aurait pu être n'importe qui parmi Banu Hashim. Ça aurait pu être Al-Abbas. Ça aurait pu être Al-Abbas, ça aurait pu être un autre. Donc ça, c'est une des sagesses d'avoir envoyé une personne de la famille du prophète alayhi salatu wa salam. C'était de suivre la coutume. Parce que la coutume en islam, on ne l'impose pas et on ne la combat pas. La coutume, l'habitude des gens en islam, ni on l'impose ni on la combat. La base, c'est que c'est moubah, c'est licite, c'est permis. Sauf dans le cas où cette coutume vient contredire un des points énoncés dans le Coran, dans la Sunna, de manière générale en islam. En islam. Et dans ce sujet-là, les gens se divisent en trois. Il y a ceux qui ont de l'exagération dans la coutume, au point de faire passer cela avant l'islam, subhanallah. Lorsque tu dis, Allah a dit, le Prophète a dit, il dit, non, mais nous anciens ne faisaient pas comme ça. Non, on ne fait pas ça. Non, on n'accepte pas ça. Jusqu'à ma mort, je reste sur ça. Je trouve cela dans les décès, je trouve cela dans les mariages, je trouve cela dans certains comportements, je trouve cela dans Mada, Hakan. D'autres sont à l'autre extrême, pensant être sur une connaissance de l'islam. Eux, ils viennent et ils renient les coutumes. Et ils marchent sur les coutumes de leurs parents. Et ils rejettent les coutumes. Et ils disent, ça, c'est pas l'islam, c'est la coutume. Pensant que la coutume est ennemie de l'islam. Ça, c'est une autre exagération. Ça, c'est une autre exagération. Et les deux sont blâmables. Puis il y a le juste milieu. Ce sont ceux qui ont pris la science utile et ont fait les actions pieuses. Ce sont ceux qui respectent les coutumes des gens, qui ne viennent pas les imposer, ni les combattre. Mais ils laissent les gens, c'est sur quoi ils les ont trouvés. Tant que ça ne vient pas à l'encontre du din. Et si ça vient à l'encontre du din, alors ils expliquent aux gens et leur anciennes avec sagesse. Pour qu'ils fassent passer le din avant la coutume. Si le premier événement, le hajj d'Abu Bakr, radiallahu anhu, avec les musulmans. Le second point du cours, أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن. Le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé Abu Musa al-Ash'ari au Yémen. Et il l'a envoyé avec Mu'adh ibn al-Jabal. Ibn Jabal, رضي الله عنهما. Et Mu'adh, comme vous l'avez su durant les cours, c'est un des grands savants parmi les Sahaba. Il était jeune, mais il était très instruit. Et c'est un grand faqih. C'est un grand faqih, c'est un grand homme de science, le plus savant du halal et du haram, comme il a été décrit. Il était très respecté du temps du prophète alayhi salatu wassalam et après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wassalam les envoya, il leur fit des recommandations. Parmi celles-ci, on trouve Yassira wa la tu'assira. وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. Le prophète عليه الصلاة والسلام leur a dit, facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas ou ne dites pas ce qui cause la fuite des gens, l'éloignement du dîn de vous des gens. وتطاوعا. Soyez liés, soyez affectueux l'un envers l'autre, que chacun obéisse à l'autre et ne divergez pas. Et ne divergez pas. Voici les recommandations et l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam à ces deux grands prêcheurs de l'islam. Et ici, il y a une grande leçon pour tous ceux qui s'entraident dans la propagation du bien. Et il est triste. Il est triste de voir que tu peux trouver des prêcheurs de Ahl Sunnah. Et chacun prétend appeler à la Sunnah, à l'islam et à la Sunnah. Chacun prétend suivre les ulamas de la Sunnah, qui eux-mêmes sont les héritiers des prophètes. Et tu vois que les uns parlent sur les autres. Bilbatil. Et que les uns avertissent contre les autres. Bilbatil. et que les uns jalousent les autres. Bilbatil, forcément. Wahadi jarima, et ça c'est un grand crime à l'encontre de la da'wah. Parce que la da'wah, c'est pas ta da'wah. C'est la da'wah d'Allah subhanahu wa ta'ala. La da'wah, elle n'est pas en ta possession et tu n'es pas maître de la da'wah. La da'wah, c'est la da'wah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le din, l'islam, c'est l'islam d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui l'a légiféré. Shara'a lakum min ad-din. Il vous a légiféré en matière de religion. Et le messager, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on doit se soumettre. On ne doit pas suivre nos passions et appeler les gens à nous. Vouloir qu'ils nous obéissent à nous. Vouloir qu'ils soient dans nos cours à nous. Vouloir que la plus grande assise soit la nôtre. Mais on doit chercher à guider les gens vers Allah. Que ce soit entre nos mains ou les mains de notre frère, ça nous est égal. Que ce soit suite à notre parole ou la parole de notre frère, ça doit être ainsi, être égal. Parce que le but, c'est pas que toi tu te dises, tu fasses. Ton but doit être hidayatul khalq ila al-khaliq. Guider les créatures vers leur créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Dis au messager d'Allah. À la fin de Surat Yusuf, qui est surnommée Surat al-Da'wah. Qul hadhi sabili, dis voici ma voix. C'est quoi la voix du prophète sallam? C'est quoi son chemin? Ad'u ila Allah, c'est que j'appelle à Allah. J'appelle pas à ma personne. J'appelle pas à moi, j'appelle à Allah. J'appelle au tawhid d'Allah. J'appelle à ce que les gens se soumettent à Allah. L'adorent seul d'un culte sincère. Lui obéissent à la recherche de son paradis par crainte de son châtiment et de son enfer. Ad-da'i al-mukhlis al-muwaffaq. Le prêcheur qui est sincère et qui a reçu l'aide d'Allah et son assistance, voici son intention. Ou l'ikhlas ou aziz. Et la sincérité, certes, une chose très difficile à voir. Ou at-tawfiq biyadillah. Ou la hawla wa la quwwata illa billah. Et l'aide et la réussite est dans la main d'Allah. Et nul ne peut obtenir ce bien et rester dessus si ce n'est par l'aide et la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, les prêcheurs doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala et être à l'image des sahaba qui n'avaient d'autre but que de guider les serviteurs d'Allah sur le chemin d'Allah. Naam. Guider les serviteurs d'Allah sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala est passé par plusieurs gouverneurs. À l'époque de Harun Rashid, il était jeune et Harun Rashid était sur la sunna et il élevait les savants de la sunna. Mais lorsqu'il y a eu le Ma'moum, lorsqu'il y a eu le Wathiq, lorsqu'il y a eu le Mu'tasim, il a subi, il a été opprimé, il s'est même fait fouetter jusqu'au sang et il a failli mourir des suites de cela. Tout cela à cause d'Ibn Abi Douad et de la secte de l'Mu'tazila qui s'était rapproché des gouverneurs et qui leur avait mis en tête que le Coran était créé et que tous ceux qui ne disaient pas cela n'étaient pas musulmans. Alors ils ont combattu les savants de la sunna. À leur tête, l'imam des savants de la sunna, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala. Lorsque le dernier d'entre eux est passé en tant que gouverneur et suite à plusieurs débats, la vérité a éclaté. Le faux de la secte de l'Mu'tazila a été rendu clair et apparent. Et le gouverneur a libéré l'imam Ahmed, a préservé l'imam Ahmed et a honoré l'imam Ahmed. À la fin, on a attrapé les têtes de ces innovateurs. On les a mis en prison. Et on a demandé à l'imam Ahmed de juger et de faire une fatwa pour pouvoir leur donner le jugement, la peine capitale. Savez-vous, après toutes ces années et tout le mal qu'a subi l'imam Ahmed à cause d'eux, l'un d'entre eux disait au gouverneur: Uktulhu ya amir al-mu'minin wa damuhu ya'ni ala raqabati fi ra'si ya'ni alay. Il disait: tue-le au gouverneur, tue l'imam Ahmed, tue-le, ce jeune ignorant innovateur. et son sang et sur mon dos. Il engrainait le gouverneur pour cela. À la fin, lorsque l'épreuve a été levée par Allah Azza wa Jal, on a ramené l'imam Ahmed, on lui a dit de juger ces gens-là et de leur mettre la peine capitale. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a répondu: tous ceux qui m'ont opprimé, ja'altuhum fi hil, je leur ai tous pardonné. Tous ceux qui m'ont opprimé parmi les musulmans, je leur ai pardonné. Subhanallah. Subhanallah. Hada imam ahli sunnati wal jama'a. Ça c'est l'imam de ahli sunnati wal jama'a, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, qui a été élevé par sa noble mère, seule. Elle travaillait pour pouvoir lui payer ses études. Elle ne voulait pas qu'il travaille pour qu'il prenne le Coran, qu'il prenne la sunna. Il a mémorisé le Coran par cœur. Il a mémorisé la sunna. Et vers la fin de sa vie, il a fini Al-Musnad. Plus de 40 000 hadiths. Al-Musnad. Il a mémorisé plus de 40 000 hadiths. En allant d'un savant à un autre, d'un shir à un autre. Il est parti voir l'imam Shafi'i. Il est parti voir tel imam et tel imam et tel imam et tel imam. Et rien ne l'a distrait de la science. Rien ne l'a distrait de la science. Et lorsque le gouverneur à la fin lui donnait de l'argent, il le refusait. Il avait peur de la fitna de la dunya. Il refusait l'argent alors qu'il était pauvre et dans le besoin. Subhanallah. Il a éduqué ses enfants. Il interdisait à ses enfants d'accepter aussi l'argent des gouverneurs. Yani subhanallah al-azim. Si ça a été le comportement d'Imam Ahmed envers ses ennemis, les ennemis du din, de la sunna du prophète, que pensez-vous de son comportement envers les gens de la sunna? Que pensez-vous de son comportement envers les gens de la sunna? Que pensez-vous de son comportement envers les gens qui appellent au hadith, qui appellent au tawhid? Fana'oudhu billahi min al-hasad wa sawadi al-qulub. On cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre la jalousie et contre la noirceur des cœurs et la maladie du cœur. Et que personne, fala tuzakku anfusakum, que personne ne dise moi, alhamdulillah, mon cœur est propre, moi, je suis dans le bien. Non, que personne ne fasse ses propres éloges. Wa a'lamu bina taqa. Allah est plus savant de celui qui est pieux. À la kulli hal, il nous faut craindre Allah Azza wa Jal envers les prêcheurs de l'islam. Il nous faut craindre Allah Azza wa Jal envers les prêcheurs de l'islam. Et les prêcheurs de l'islam doivent, ils ont l'obligation de s'unir sur la vérité, sur le Coran et sur la sunna, sur la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ils ne pourront le faire si ce n'est avec l'ikhlas. Ils ne pourront le faire si ce n'est en s'asseyant sur leurs droits et en immensifiant le droit de l'islam. Ils ne pourront le faire si ce n'est en considérant leurs frères comme Allah a voulu d'eux, comme un membre à toi, comme un membre à toi, pas en dessous de cela. Ils ne pourront le faire si ce n'est en revenant à leurs savants. Si ce n'est en revenant à leurs savants, ils ne pourront le faire si ce n'est en prenant la science utile et avec les actions pieuses. Et chacun prétend être sur la vérité. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullah al-thabat. Abu Moussa et Mu'adh sont partis au Yémen. Chacun est parti dans une contrée. Mu'adh était vers Adan, radiallahu anhum. Et ils se sont visités. Dans une de leurs visites, Mu'adh a demandé à Abu Moussa, « Kayfa taqra'u al-Qur'an ? Comment est-ce que tu lis le Qur'an ? C'est quoi ton habitude dans la lecture du Qur'an ?» Il lui a répondu, « Ana atafawwaquhu tafawwuqan. » Il lui a dit, je le lis mais pas d'un trait. Yani je m'organise dans sa lecture. Je le lis régulièrement. Par exemple, une partie dans la nuit, une partie dans la journée, une partie le matin, wa hakadha. Wa kayfa taqra'u anta? Il lui a dit, et toi comment est-ce que tu le lis? Mu'adh radiyallahu anhu lui a dit, anam awwal al-layl. Je dors la première partie de la nuit. Ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité. Thumma aqum wa aqra min al-kitab ma tayassara. Puis je me lève et je lis la partie du Coran qui m'a été facilitée par Allah. Wa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati. Et j'espère la récompense chez Allah dans la partie que je dors. Et il met une bonne attention même lorsqu'il dort pour se reposer, pour avoir de la force, pour adorer Allah Azza wa Jalla. Tout comme il espère la récompense lorsqu'il est réveillé et ça donne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les plus belles recommandations qu'on trouve dans le Bukhari et Muslim, le hadith dans les recommandations du Prophète à Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Ô Mu'adh, tu vas te rendre un peuple des gens du livre. Parce qu'au Yémen, à l'époque, c'était les gens du livre qui y habitaient. Quand on dit les gens du livre, ce sont ceux qui ont reçu le livre avant nous, à savoir les chrétiens, et avant eux encore, les juifs. At-Tawrat wal-Injil. Puis il lui a dit, pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? Pour qu'il sache qui est-ce qu'il va prêcher. Pour qu'il sache que ce sont des gens qui ont reçu un livre. Donc il va devoir se préparer à éventuellement être disputé dans ses connaissances, à échanger, à dialoguer et à débattre. Innaka ta'ti qawman ahla kitab. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Regardez, il lui dessine ici le chemin de la prédication. Par quoi tu vas commencer? Qu'est-ce que tu vas mentionner ensuite? الدعوة c'est une ibada, n'est-ce pas? Et chaque ibada, pour qu'elle soit acceptée chez Allah, il y a deux conditions. Premièrement, la sincérité. Et deuxièmement, le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi il lui a dit, tu vas te rendre un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation de foi. Dans la version de l'imam al-Bukhari, il a un yuwahidullah, la première chose à laquelle tu les appelles, que la première chose à laquelle tu les appelles soit unifier Allah. Unifier Allah, tawhid. Alhamdulillah. Donc la première version, que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'attester qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'autre version, que la première chose à laquelle tu les appelles soit At-Tawhid, adore Allah d'un culte sincère. Fa'inhum ata'uka lidhalik. S'ils t'obéissent en cela, s'ils prononcent la shahada, s'ils entrent en islam, fa'alimhum. À ce moment-là, informe-les. Anna Allah aftarada alim khams salawatin fil yawmi wal layla. Qu'Allah leur a ordonner 5 prières de jour comme de nuit, les 5 prières en tout. Fa inhum ata'uka lidhalik. S'ils t'obéissent dans cela, fa khudh sadaqatan min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Prends une aumône de leurs riches que tu restitueras à leurs pauvres. Wa iyyaka wa kara'im amwalihim. Et fais attention à ne pas prendre leurs richesses les plus précieuses. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Et fais attention à l'invocation de l'opprimé. Fais attention au zulm, à l'injustice. Car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Subhanallah. Il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Quand tu fais du zulm à quelqu'un et qu'il fait dua contre toi, ça passe de manière inéluctable. Qu'Allah nous préserve de l'injustice. Alors qu'il l'envoie à qui? Il l'envoie à des musulmans? Non. L'islam interdit l'injustice. Même envers l'animal. Même envers l'animal, le prophète sallam a interdit l'injustice. Il est rentré dans un parc, ou là on va dire, dans un jardin, et il y a eu une chamelle qui est venue vers lui. Et il a dit à qui est cette chamelle? Elle est venue comme pleurer au prophète sallam. Un homme parmi l'ansar a dit, moi, messager Allah. Il lui a dit, crains Allah envers cette chamelle, elle s'est plaint à moi de telle chose et de telle chose. Ça, c'est un hadith azim. Ça, c'est un hadith azim qui nous montre l'importance du tawhid et que c'est la première chose qu'on doit enseigner, appliquer pour nous-mêmes. La première chose qu'on doit étudier. La première chose à mentionner lors de la prédication du non-musulman. Quant aux musulmans, s'ils connaissent le tawhid, tu peux commencer par autre chose, mais tu resteras toujours avec le tawhid. Comme a expliqué Ibn Uthaymeen. Si c'est un non-musulman, tu es obligé de commencer par le tawhid. Pourquoi? Parce que c'est la base. Et c'est le socle sur lequel reposera les autres actions pour qu'elles soient acceptées authentiques. Dans le cas contraire, aucune action ne sera acceptée chez Allah, ni la prière, ni la zakat, ni. Quant aux musulmans, qui est sur le tawhid, qui connaît le tawhid, tu peux commencer par autre chose. Mais le da'wa sera quand même accompagné de tawhid. Il a besoin de rappel de tawhid. Il a besoin de concrétiser, compléter le tawhid. Il a besoin de se souvenir de tawhid. Wa hakada. Jamais on ne pourra se passer d'être tawhid. Allah Azza wa Jalla a rappelé à ses prophètes d'être tawhid. Qui d'entre nous pourrait dire, moi c'est bon, je n'ai plus besoin de tawhid? التوحيد étant le droit suprême d'Allah Azza wa Jal. التوحيد étant le droit, le fait d'unifier Allah d'un culte sincère, de l'adorer lui seul sans jamais rien lui associer. On voit dans ce hadith que la deuxième chose, la plus importante en islam, c'est la prière. Après le tawhid, c'est la prière. Et qu'on n'appelle pas les gens à la prière tant qu'ils n'ont pas prononcé shahada. Et que dès qu'ils ont prononcé shahada, on les appelle à la salat, sans délai. On voit que le troisième point le plus important, c'est le zakat. Et que la zakat est obligatoire sur les riches. Et qu'elle est donnée aux pauvres. Et que les gens se divisent en deux, les pauvres et les riches. Donc celui qui a droit à la zakat, c'est celui qui n'est pas riche. Celui qui a droit à la zakat, c'est celui qui est dans le besoin. Certains disent, moi je ne trouve pas de pauvre. Ils pensent que le pauvre, c'est celui qui n'a rien. Non, le pauvre, il peut être dans le besoin, même s'il a un travail. Même s'il a un travail. Il peut gagner 3000 euros par mois et avoir le droit à la zakat parce qu'il a des dettes, par exemple. Wahakada. Mu'adh radiallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Al-Khamr, sur Al-Sharab. Il va dire à Allah, c'est quoi le jugement du Sharab? Sharab ici, ce qui est voulu dans le hadith, c'est le Khamr. C'est l'alcool, les enivrants. Quand Salim lui a donné un règle général, il lui a dit, Kullu muskirin haram. Tout ce qui est enivre, c'est proscrit, c'est interdit. Et il l'a questionné précisément sur l'alcool qui était fait à partir d'orge et à partir de miel. Et Mu'adh venait du Yémen. Donc il lui a dit, chez nous, ils consomment tel et tel alcool. C'est quoi le jugement? Et il lui a dit, Kullu muskirin haram. Donc ça, c'est la règle. Tout enivrant est haram. Tout ce qui couvre la raison, c'est haram. Donc c'est quoi le jugement de fumer Mada, du cannabis? C'est quoi le jugement du qat? C'est quoi le jugement de l'alcool qu'il renie? Toutes ces choses-là sont haram. Parce que c'est un muskir. Parce que c'est du khamr, plutôt. Parce que c'est du khamr. Ça khamar le aql, ça couvre la raison, c'est haram. Dans le hadith, c'est haram. Il n'y a pas besoin de faire une analogie. C'est dans le hadith, c'est haram, pas le hadith. Quant à la cigarette, c'est haram, pas par ce texte-là, mais par les textes, tous les textes qui interdisent le suicide, et tous les textes qui interdisent le gaspillage, et tous les textes qui interdisent de faire du mal aux autres. La cigarette, c'est haram. C'est pas juste détestable, c'est haram. Comment ça s'appelle la... La chicha, c'est haram. Naam, la chicha, c'est haram et c'est pire que la cigarette, comme des gens de science nous ont dit. C'est plus nocif à la santé encore que la cigarette. Et tu trouves que des gens musulmans ouvrent des bars qu'ils appellent des chichas pour se donner moins mauvaise conscience. Et ils ouvrent ça et ce sont des musulmans qui entrent dedans, hommes et femmes. A'udhu billah min al-khudlan. Ces gens-là, leur argent est haram. Et eux sont dans le haram, ils baignent dans le haram. Et ils mangent et mettent du feu dans le ventre de leurs épouses et leurs enfants de haram. Na'udhu billahi min al-khuzlan. Entrer dans un endroit comme ça, c'est haram. Consommer, c'est haram. Rester avec ces gens-là, c'est haram. S'entraider avec ces gens-là, c'est haram. Louer à ces gens-là, c'est haram. Qu'Allah les fasse revenir à la droiture. Mu'adh, radiallahu anhu, rejoindra le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pèlerinage. Il le rencontrera là-bas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, quel rite tu as fait? Et il lui répondra, le même que le tien. Le même que le tien. Puis lorsqu'il a vu qu'il n'avait pas amené avec lui de bête à sacrifier, al-hadi, il lui a dit, non alors. Fais ton tawaf, fais le sa'i, coupe-toi les cheveux, et sors de ton état d'ihram. C'est-à-dire, fais quel rite? At-tamattu'. Fais tamattu'. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas amené la bête avec lui. Et celui qui n'a pas amené la bête avec lui, le meilleur, c'était tamattu'. Par la suite, c'est resté le meilleur at-tamattu'. Ce qu'on fait en général, bihamdillahi azza wa jal. Tamattu', c'est lorsque tu viens en état d'ihram, tu fais la umrah, puis tu sors des ad-ihram, et le huitième jour de Dhul-Hijjah, tu te remets en état d'ihram, et tu vas faire le hajj. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh, sachez que les savants ont divergé, est-ce qu'il l'a envoyé une fois ou deux? Le fait qu'il l'ait rencontré après au Hajj, c'est ce qui a amené les savants à dire qu'il l'a envoyé deux fois. Pourquoi? Écoutez ce hadith qu'on a déjà mentionné. Dans lequel Imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Mu'adh au Yémen. Et lorsqu'il l'a envoyé, et qu'il était sur son monture, sur le point de partir, le prophète sallam l'a accompagné en marchant à pied. Et lui faisait des recommandations, lui faisait des recommandations. À la fin, il lui a dit, « Ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. » C'est très fort probable que après cette année, tu ne me rencontres plus jamais. Wa an wa la'allaka tamur bi qabri wa masjidi. Il se peut qu'en revenant, tu passeras près de ma tombe et de ma mosquée. Alors Mu'ad s'est mis à pleurer. Parce qu'il aimait énormément le prophète alayhi wa sallam et qu'il aimait énormément sa présence, sa compagnie. Et il a compris qu'il ne reverra peut-être plus son bien-aimé, son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc sacrifié celui qu'il aimait le... Yani il a sacrifié cette compagnie. Pourquoi? Pour être da'watu ila Allahi azza wa jal. Subhanallah. Fama a'zama da'wa. Ô combien le fait d'appeler les gens à l'islam est grand chez Allah. Mu'adh ibn Jabal a laissé la sohba du prophète sallam pour aller au Yémen et appeler les gens à l'islam. Certaines personnes pour faire le hajj, le pilier de l'islam, ils ne laissent pas leurs épouses, ils ne laissent pas leur tijara, leur commerce, ils ne laissent pas leurs enfants. 2 semaines, 3 semaines, disons même 1 mois pour Allah subhanahu wa ta'ala et revenir effacé, yani lavé de tout péché, comme le jour où leur mère les a mis au monde. Allahu Akbar. Mu'adh ibn Jabal est en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam et il le laisse, pourquoi? Pour aller appeler dans un autre pays des gens à l'islam. Ça veut dire que la da'wah c'est une chose immense, subhanallah. Ça veut dire que c'est le mérite de celui qui va appeler les gens à l'islam, c'est incommensurable. Et les savants ont dit, celui qui apprend la science et va appeler les gens à l'islam, son niveau, il est juste en dessous du niveau des prophètes. Subhanallah. Son niveau, il est juste en dessous du niveau des prophètes. Allahu Akbar. Donc celui qui apprend la science, qui l'applique et qui appelle les gens à l'islam, c'est le meilleur d'entre nous. À la tête, les ulama. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Et qui prononce de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah, qui fait da'wah, qui prêche et fait de bonnes actions? Wa qala innani minal muslimin, et dit je suis du nombre des musulmans. Ça c'est le meilleur. Al-Hassan al-Basri mentionne ce verset, il disait hadha waliyullah, hadha safiyullah. Il disait ça c'est l'allié d'Allah, c'est le bien-aimé d'Allah. Allah l'a appelé, il lui a répondu. Puis il a appelé les autres à cela. Ad-da'watu ila Allah, c'est la muhimma des rusul. C'est le travail des prophètes. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa jtanibu at-tawut. On a envoyé dans chaque communauté un prophète pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ce qui est en dehors de lui. Ud'u ila sabili rabbik, appelle, prêche au chemin de ton Seigneur. بالحكمة والموعظة الحسن أش أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة أش سيكوالا سيد جو برسي وجادلهم بالتي هي أحسن. Appelle au chemin de ton Seigneur et débat avec eux de la plus belle manière, ou plutôt avec la bonne exhortation, ou avec sagesse et avec la bonne exhortation, et débat avec eux selon les bonnes manières. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas mieux que da'watu ila Allah azza wa jal. Mais ici il nous faut nous rappeler une chose très importante, c'est que prêche que celui qui a une science, prêche que celui qui a étudié, prêche que celui qui appelle à ce qu'il connaît, et après avoir connu il doit appliquer lui-même, se corriger lui-même, puis il invite les autres à cela. Et lorsqu'il fera cette noble action, il doit savoir qu'il va recevoir de nombreuses nuisances. Les gens vont parler sur lui, car il vient s'interposer entre eux et leur passion, entre eux et ce qu'ils aiment, entre eux et le haram. Donc ils vont le critiquer, l'insulter, peut-être même le frapper. Et il devra se montrer endurant. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont cru ont fait des actions pieuses, puis se sont enjoints mutuellement le bien ou la vérité et se sont enjoints mutuellement l'endurance. C'est-à-dire qu'ils ont appris, ils ont appliqué, ensuite ils ont prêché, puis ils ont enduré et se sont recommandés mutuellement tout cela. On doit respecter les prêcheurs de l'islam. On doit s'entraider avec les prêcheurs de l'islam. On doit secourir leur da'wa, qui est la da'wa d'Allah Azza wa Jal. On doit les conseiller, invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. On doit les mentionner en bien. On doit les conseiller, être sincères envers eux. On ne doit pas les tromper, les trahir, ni tricher envers eux. Barakallahu fikum. On doit se réjouir. Plus il y a de prêcheurs de la sunna à l'islam, plus on doit se réjouir. C'est pas dès qu'un vient, on essaye de fouiller, de chercher ses fautes. On essaye de le surveiller, de le faire tomber. On essaye de trouver qui aura le plus de mal à son égard. Qui pourra apporter un témoignage pour l'effacer du champ de vision parce qu'il nous empêche de briller. Car certes, lorsqu'il y a le soleil, plus personne ne regarde l'étoile. Et ça, c'est une maladie du cœur si tu penses ainsi. Tu dois te réjouir lorsqu'un prêcheur vient, qu'il est sur la sunna. Tu dois invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur. Tu dois chercher à le rencontrer. Ça doit te réjouir. Plus il y a de prêcheurs, plus ça doit te réjouir. Barakallahu fik. Ça montre la sincérité dans ton qalb. Ça montre la pureté de ton qalb. Par contre, si lorsqu'une personne fait une muhadara et que beaucoup de gens s'y rendent et que ça te gêne parce qu'ils ne sont pas venus à ton cours à toi, ça veut dire que tu es malade. Ça veut dire que tu as une maladie au cœur. Lorsque tu vois que le nom d'un prêcheur est beaucoup mentionné et que ça dérange certains, sache qu'en général, ils ont une maladie au cœur. Sache qu'en général, ils ont une maladie au cœur. Ils souhaiteraient que les gens soient dans leurs assises à eux, même si ils ont moins de science. Même si ce qu'ils enseignent est bon. Même s'il est sur la sunna. Non, il ne cherche pas cela. Il cherche lui à être indexé. Il cherche lui à recevoir les éloges. Il souhaite lui entendre son nom sur les langues. On a même déjà entendu une parole des plus déconcertantes et des plus étonnantes. L'un d'entre eux dit, il y a trop de personnes qui mentionnent ton nom. Il y a trop de personnes qui mentionnent ton nom. Ya Abdallah, en quoi est-ce que ça te nuit que les gens mentionnent le nom d'une personne qui est sur la sunna? Nous, on se réjouit d'entendre les gens mentionner les gens de la sunna. Ça veut dire qu'ils vont dans les cours des gens de la sunna. Ça veut dire qu'ils y entendent qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'on va faire le lien entre eux et les savants. Qui ne se réjouit pas de cela? Ça veut dire qu'ils vont apprendre leur din. Ça veut dire qu'ils vont être éduqués. Que souhaiterais-tu? Qu'ils aillent dans les assises des gens de la bid'ah. Et wallahi que tu ne trouves pas le désagrément reçu par de leur part de voir des musulmans assis chez Ahlul Bid'ah ou de voir des gens d'Ahlul Bid'ah venir faire des conférences ou des khutab. Ils ne bougent pas pour cela. Ils ne se mettent pas en colère pour cela. Ils ne parlent pas et ils ne donnent pas des heures pour parler dans ce sujet-là. Mais lorsqu'une personne revient de Médine ou du Yémen ou d'Égypte ou autre ou d'Afrique ou d'Asie même, où il y a Tawhid wa Sunna, où ils ont appris Tawhid wa Sunna, je vois que ça les dérange. Naam, tu vois qu'ils disent, n'allez pas dans le cours de un tel. Alors les gens doués de raison leur disent, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur la Sunna? Ils disent, c'est pas ton niveau, parle pas, c'est pas ton niveau, juste n'y va pas. Donc tu as le niveau de l'écouter lui, mais tu n'as pas le niveau de comprendre pourquoi tu ne dois pas y aller. Ensuite, si tu insistes, tu dis, ça va sortir, les savants sont en train de statuer sur son cas. D'accord, ya Abdallah, ça fait 6 ans que tu dis ça. Est-ce que c'est sorti ou les savants entre-temps sont décédés? Naam. Combien de fois on a entendu ça? En fait, on ne doit pas le dire, c'est un secret. Quoi? Les savants parlent, c'est un secret. Les savants parlent pour qui? Pour les animaux, pour Bani Adam. Ils parlent, mais on ne doit pas le savoir. Donc, ils parlent pour nous, mais nous, on ne doit pas le savoir. Toi, tu le sais, mais nous, on ne doit pas le savoir. C'est quoi ce jeu et cet amusement? Ils jouent avec la raison des débutants. Ils jouent avec la raison de ceux qui ont une bonne opinion d'eux. Taqullaha rabbakum. Craignez Allah Azza wa Jal, votre Seigneur. Celui qui vous voit lorsque vous trahissez les musulmans. Celui qui vous voit lorsque vous éloignez les musulmans des assises de science. il y a moins d'une semaine, un frère m'a dit qu'il assistait à nos cours de Kitab et Tawhid. Et qu'une personne l'a pris, lui a dit, ne va plus à ces cours-là. Kitab et Tawhid. Alladhi haqqullahi ala al-abid. Ne va plus assister à Pantin au cours de Kitab et Tawhid. Et ne va plus assister au cours à Junni. Et ne va plus assister wa hakada. Il dit, subhanallah, il m'a mis des ambiguïtés. Alors moi, je me suis éloigné. Et wallah, que ma foi, elle a baissé. Et que certains de mes amis ont délaissé une partie du din. Qatalahumullah. Qatalahumullah. Quel mal ils ont répandu dans les rangs des musulmans. Ça, c'était il y a une semaine. Ça, c'était il y a une semaine que le frère m'a mentionné cela. Et si j'avais voulu mentionner son nom, j'aurais mentionné son nom, même son nom de famille, avec lui qui s'est inscrit pour le Hajj. Wa inna lillahi wa inna radiun. Alors je lui dis, j'espère au moins, je lui dis que tu ne viennes pas à mes cours, c'est pas grave. Nous, on n'appelle pas à venir à nos cours. On appelle à aller chez les cours des gens de la Sunna. Ceux qui peuvent aller étudier, c'est les ulama, allez-y. Et ceux qui vont étudier chez tel frère de la Sunna, allez-y. Ou ici, venez. On n'appelle pas à notre personne. Allez, où vous voulez, inda ahli sunnati wal jama'a. Yufrihuna hadha, ayyuma farah. Puis je lui demande, je lui dis, j'espère dans ce temps-là, au moins, celui qui t'a dit ça, au moins, il t'a enseigné, tawhid wa sunna. Au moins, t'es parti ailleurs étudier. Les frères m'ont dit, wallahi, tout ce temps-là, on n'étudiait pas. Tout ce temps-là, on n'étudiait pas, on nous mettait juste des doutes contre chaque personne de la sunna. Et au bout de je ne sais combien d'années, on a vu qu'on s'était fait avoir. Notre foi avait baissé. Et les autres, eux, avaient progressé, étudié, appris l'arabe et du Coran et ainsi de suite. Billahi alaykoum, ces gens-là sont sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là sont sur la voie des sahaba. Inna lillahi wa inna iraji'un. Ad-da'wa tahtaj ila ilm. Ad-da'wa tahtaj ila amal. Ad-da'wa tahtaj ila sabr. Wa tahtaj ila rijal. Nusaha. La da'wa a besoin de science. La da'wa a besoin d'application. La da'wa a besoin d'endurance. Et la da'wa a besoin d'hommes sincères. Elle a besoin de rijal. Elle a besoin de courage. De gens qui disent quand c'est le haq, c'est le haq. C'est vrai. Et quand c'est faux, c'est faux. Même dans le visage de leur bien-aimé. Barakallahu fikum. On voit dans le hadith de Mu'adh, de l'envoi de Mu'adh au Yémen, qui, si je me souviens bien, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas dans le Bukhari Muslim. On voit l'égarement d'une secte qui est appelée Jama'atou Tablir, qui se font aussi appeler Jama'atou Da'wa, qui est un mouvement soufiste contemporain né des suites d'un rêve d'un homme qui s'appelle Mohamed Ilyas Kandalawi. Cet homme-là, suite à un rêve, a formé ce mouvement et cette secte. Est-ce qu'un mouvement qui vient après la mort du prophète alayhi salat wa salam, qui a tout transmis, est-ce qu'il peut être sur la vérité? Dites-moi. Est-ce que le prophète sallam a oublié de nous transmettre quelque chose et celui qui viendra après va nous la rappeler? Non. Donc ils ont fait ce mouvement-là. Ils ont fait ce mouvement-là. Et leur priorité dans leur mouvement, c'est la prédication, mais pas la prédication sur la sunna, pas l'appel au tawhid. Et dans ce hadith, tu vois qu'ils sont dans le faux. Parce que le Rasoul m'a dit, appel au tawhid en premier lieu. S'il t'obéit dans cela, appel à la salat. Ensuite à la zakat. Et eux, tu vois qu'ils n'appellent pas au tawhid. Au contraire, les prêcheurs du tawhid sont leurs ennemis. Sont leurs ennemis. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, la plupart des jeunes ont délaissé. C'est des fables. Ont délaissé ce soufisme contemporain. Et sont venus à la sunna. Sont venus à la sunna. Car certes, la vérité a une lumière. La réalité, le secours de la vérité ne viendra qu'en appelant à l'islam comme le prophète l'a fait ainsi que les compagnons. Pas en innovant de nouvelles façons. Comme en faisant du théâtre, ou comme en faisant certaines sorties et autres. Non. Barakallahu fikum. Passons à un autre événement. Ba'atha Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je finis sur ce point-là. Et je disais ce hadith pour montrer que le prophète sallam a parlé à Mu'adh et ils ne se sont plus revus. Pourtant, on a mentionné qu'il l'a rencontré au Hajj. Certains savants ont expliqué cela, et c'était l'avis de l'imam al-Bayhaqi et d'autres, qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh deux fois au Yémen. La première fois, c'est lorsqu'il lui a dit Ghafouane, la première fois, c'est lorsqu'il l'envoyait. Et la deuxième, lorsqu'il l'envoya, la deuxième fois, c'est lorsqu'il lui a dit, peut-être que tu ne me reverras plus, ou tu passeras près de ma tombe. Donc une première fois, il l'a envoyé, il est parti en da'wa. Puis ils se sont revus. Une seconde fois, il l'a envoyé, c'est là qu'il lui a dit, tu passeras près de ma tombe et de ma mosquée. Ainsi, on peut unir les différentes, les différents ahadiths de l'envoi de Mu'adh au Yémen, radiallahu anhu. Un autre événement, بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا وخالدا الى اليمن. Deux autres personnes ont été envoyées par le prophète sallam au Yémen. Il s'agit d'Ali ibn Abi Talib et de Khalid ibn Walid. Et cela un peu plus de deux mois avant Hajjatul Wada, durant le mois de Ramadan. Près de trois mois, ou entre deux et trois mois avant Hajjatul Wada. En l'an 10 donc. En l'an 10. La base du hadith est dans Sahih al-Bukhari et le détail dans Sunan al-Kubra de l'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu nous raconte cela. Il dit que le Prophète sallam a envoyé Khalid ibn Walid au Yémen pour appeler les gens à l'islam. Mais les gens n'ont pas répondu à son appel, n'ont pas accepté l'islam. Plus tard, le Prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Ali ibn Abi Talib. Et il lui a ordonné wa amarahu ayukfila khalida. Il lui a ordonné ayukfila khalidan wa man kana ma'ahu illa rijalan kana ma khalid ahabba an yu'qaba ma'a Ali. Que signifie cela? C'est-à-dire que le prophète sallam a envoyé Ali après l'envoi de Khalid. Et il a dit à Ali radiallahu anhu de dire à Khalid de revenir avec ses hommes à Al-Madinah. Sauf ceux qui aimeront parmi les hommes de Khalid rester avec Ali pour à nouveau se rendre à cette tribu-là et les inviter à l'islam. Lorsque le gouverneur dépêche un bataillon, il les envoie en avance. Puis ces gens-là reviennent, il leur dit de revenir. Et il envoie un autre groupe. Ceux du premier groupe qui resteront et repartiront avec le deuxième groupe une deuxième fois, c'est ce qu'on appelle Yu'qiba lorsqu'on parle dans ce sujet-là. Al-Bara nous dit, et j'ai fait partie de ces gens-là, de ceux qui sont partis avec Khalid, puis lors de leur retour, sont restés avec Ali pour repartir une seconde fois. Il nous raconte, il nous dit, lorsque nous sommes rapprochés de ces gens-là, c'était Hamdan, si mes souvenirs sont bons, ils sont sortis vers nous. Alors Ali ibn Abi Talib a présidé la prière et nous fîmes un rang derrière lui. Puis il s'est avancé et leur a lu la lettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que s'est-il passé? En premier lieu, le prophète sallam avait envoyé qui? Khalid, ils appellent à l'islam. Est-ce qu'ils ont accepté? Non. Mais cette fois-ci, écoutez la bonne nouvelle. Ali ibn Abi Talib s'est avancé à eux, il les a appelés à l'islam en leur lisant les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa lettre. Fa aslamat Hamdan jami'an. Alors la tribu de Hamdan s'est convertie à l'islam tout entière. Fa arsala Ali radiallahu anhu al-bushra ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib a envoyé une personne informer le prophète sallam de la bonne nouvelle. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la bonne nouvelle de l'islam de Hamdan, kharra sajidan. Il est tombé prosterné. Allahu Akbar. Il est tombé prosterné. Lorsqu'il releva la tête, il dit assalamu ala Hamdan. Que la paix, que le salut soit sur Hamdan. La base de ce hadith dans le Bukhari Muslim. Et met le détail dans Sunan al-Kubra de l'imam al-Nasa'i, l'imam al-Bayhaqi. Et Ma'adha, Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith est sahih. Et d'autres avec lui parmi les grands savants du hadith. On voit ici que al-Hidayah, biyadillah, la guidée, elle est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. On entend certaines personnes lorsque tu leur dis conseille-le, appelle tes parents à l'islam, fais ceci. Il dit, non, c'est trop tard. Non, je lui ai déjà parlé, j'ai déjà conseillé. Il n'écoute pas, il ne fait pas partie de ceux qui écoutent. Subhanallah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Certains parmi les grands, parmi les compagnons, se sont convertis lors de l'ouverture de la Mecque. Avant ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils combattaient le prophète sallam. Al-hidayah biyadillah. La guidée, elle est dans la main d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-qulub bayna subu'ayni min asabi' ar-Rahman. Les cœurs sont dans la, entre deux doigts de la main du miséricordieux. Il les tourne comme il le veut. S'il veut, il les guide. S'il veut, il les égare. Tu ne dois jamais désespérer. Tu n'es pas questionné sur le résultat de l'effort. Tu es questionné sur l'effort. Toi, fais da'wah. Al-hidayah biyadillah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Il est plus savant de ceux qui méritent la guider. Ainsi, le musulman ne désespère pas, il fait les causes. Le prophète sallam a fait da'wah à son oncle Abu Talib jusqu'à son dernier souffle. Mais Allah azza wa jalla a décidé autrement. Ainsi, le musulman ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah et de la guider. Deuxièmement, une grande leçon ici, c'est le farah bi islamin nas. Le fait de se réjouir lorsqu'une personne embrasse l'islam. Le fait de se réjouir quand une personne embrasse l'islam. Si une personne vient à la mosquée, elle se convertit, on se réjouit, ça remplit notre cœur. Pourquoi? Ça veut dire que c'est une créature d'Allah Azza wa Jalla en plus qui a restitué le droit au Créateur. Subhanallah. C'est le but de la création, il est en train de concrétiser le but de la création. Chaque personne qui entre en islam, c'est une créature en plus qui restitue le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à son propriétaire. Qui humilie son cœur à Allah, tabarak, pour Allah Azza wa Jalla, qui s'humilie, se rabaisse, qui adore seul Allah d'un culte sincère. Et ça, c'est la plus belle chose qui soit fait dunya. Et la plus grande récompense qu'il pourra obtenir des suites de cela, fil akhira. Et le musulman, c'est celui qui a le plus de miséricorde envers les créatures. Et sahib sunna, yani plus particulièrement, son but, bayanul haqq lil khalq. C'est d'exposer la vérité aux créatures. Son but, c'est que les gens viennent vers la miséricorde d'Allah, viennent vers la pitié d'Allah, viennent vers l'islam et la religion d'Allah Azza wa Jalla. Donc lorsqu'une personne vient et se convertit à l'islam, on se réjouit tous. On lui montre qu'on est content, on l'accueille, on lui offre des cadeaux comme il le faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur donnait des choses lorsqu'ils se convertissaient. Des fois, il les vêtissait, il leur donnait des habits, il les habillait. Il les accueillait chez eux, il les félicitait, wa hakadha. Ils étaient frères les uns des autres. Et il n'y avait pas dans les cœurs d'inimitié. On tire de ce hadith, shar'iyatu sujoudi shukr, le caractère légiféré de la prosternation de la reconnaissance. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne un bienfait, tu te prosternes. Un bienfait, yani, qui n'est pas, comment est-ce qu'on va dire, yani mustamir à la base sur toi. Un bienfait que tu n'as pas à la base, qui n'est pas régulier. Lorsqu'une chose survient, lorsqu'une chose est ponctuelle et que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, il t'est légiféré de tomber prosterné. Par exemple, une personne se convertit, tombe prosterné, tu l'as appelé à l'islam. Par exemple, tu as fini la mémorisation d'une sourate ou du Coran, ou tu reçois, par exemple, tu as postulé pour un travail, tu obtiens ce travail. Ou bien une personne proche était malade, tu entends sa guérison. Il y a n'importe quel bienfait, tu tombes prosterné. Tu tombes prosterné, tu as postulé pour le hajj, tu obtiens yani, la réponse favorable, et ainsi de suite. Tu tombes prosterné, c'est une sunnah. Tu finis l'étude d'un livre important, comme Salatatul Usul ou Kitab al-Tawhid, ou t'as appris la salat, ou une autre chose. Tu tombes prosterné. Tu tombes prosterné pour Allah Azza wa Jal. Et la sunnah est le mieux. C'est de, si tu es assis, c'est de te mettre debout. Le mieux, c'est d'avoir al-wudu. Le mieux, c'est de faire en direction de la qibla. D'accord? Le mieux, c'est de se mettre en direction de la qibla. D'avoir al-wudu et d'être debout. C'est-à-dire, si tu es assis, tu te mets d'abord debout et tu tombes prosterné. Wahakadha barakallahu fikum. Et les savants mentionnaient cela dans les livres de fiqh après le chapitre de la salat. Ils citent sujud al-sahu et ils citent sujud al-shukr. Donc, étudier le fiqh de cette prosternation. Une qissa qu'il y a eu entre Buraïda et Ali ibn Abi Talib. Une qissa qu'il y a eu entre Buraïda, un sahabi, et Ali ibn Abi Talib. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a ouvert ce peuple à Ali ibn Abi Talib et qu'ils ont embrassé l'islam, Il y a eu un partage de certains bienfaits avant cela. Et Ali ibn Abi Talib a fait selon la sunna, el khumus, et ensuite a partagé. Buraïda avait une chose dans le cœur contre Ali ibn Abi Talib. Et lorsqu'il a été envoyé avec une lettre pour informer de choses relatives à Ali, Prophète a tenu la main de Buraïda, radiallahu anhu, et lui a dit, est-ce que tu as de l'inimitié à l'égard de Ali ibn Abi Talib? Et il lui a dit oui. En fait, il y a eu un événement qui a fait que Buraïda n'aimait pas Ali ibn Abi Talib. Il n'aimait pas Ali ibn Abi Talib. Yani, l'homme, c'est un humain. Il peut voir une chose, entendre une chose. Ça peut être un malentendu. Il a une chose dans son cœur à l'égard de son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ahibba Ali ibn Abi Talib. Aime Ali ibn Abi Talib. Si tu les détestais, aime-le. Et si tu l'aimais, aime-le encore plus. Et en fait, la cause de cela est que dans le partage, Ali ibn Abi Talib avait pris une chose très prisée. Naam, une chose très prisée. Vous étudierez, Inch'Allah, dans Sira, quelle est cette chose. Et il est sorti de chez lui en ayant fait le rousl, en s'étant lavé. Naam. Et il a informé de la sagesse de ce rousl. Alors, Buraïda a une chose dans son cœur à l'égard de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et lorsqu'il a parlé au Prophète, le Prophète l'a réprimandé. Et il lui a dit, Ali ibn Abi Talib mérite encore plus que cela. Quand Buraïda a vu qu'Ali ibn Abi Talib n'a pas été injuste dans le partage, au contraire, il s'est enlevé une part qu'il aurait pu prendre en plus. Et quand il a entendu le conseil du Prophète, il l'a aimé encore plus. Et il a dit, depuis que j'ai entendu la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une personne que j'ai aimé plus qu'Ali ibn Abi Talib. Regardez la soumission des compagnons. Et regardez comment est-ce qu'il répondait à l'appel d'Allah et de son messager. Pas comme nous, on écoute une conférence, on écoute un cours, deux cours, 10 cours. Et lorsqu'on nous dit quand est-ce qu'on va changer, on dit bientôt, Inch'Allah. Non, filhin, sur le tas. Quand on a dit aux femmes des croyants de mettre le hijab, sur le tas, ils ont mis le hijab. Quand on a dit aux croyants de délaisser l'alcool, ils ont cassé les tonneaux d'alcool, sur le tas. Lorsqu'on aura dit délaisser la viande de l'âne, sur le tas. Ils ont éteint les marmites alors qu'il y avait une grande faim et qu'ils étaient en voyage, ils n'avaient rien à manger. C'est ainsi qu'ils étaient. Lorsque le Prophète sallam leur a dit de ne pas mettre de l'or et de l'argent, sur le tas, ils se sont soumis. Là, lorsque le Prophète sallam a dit à Buraïda d'aimer Ali ibn Abi Talib, il nous dit فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدْ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِي. Après la parole du Prophète sallam, il n'y a pas une personne que j'aimais plus que Ali Ibn Abi Talib. Ainsi, on doit être devant les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a dit une chose, on doit la comprendre et l'entendre comme si on avait été en face de lui lorsqu'il l'a dite. Et on doit le suivre, on doit appliquer. Par exemple, le prophète m'a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Comment ça se fait que certains parmi nous prient les bras le long du corps? Le prophète mettait la main droite sur la main gauche. Et il mettait cela sur sa poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire la poitrine? Ça ne veut pas dire en haut où il y a les pectoraux. Naam. Sur la poitrine, ça veut dire, comme a dit Ibn Taymiyyah, mutlaq al-muwajaha, c'est-à-dire en face. Naam, au-dessus du ventre. D'accord? Au-dessus du ventre, comme cela. Juste un peu au-dessus du ventre. Ben, toi, tu entends ce hadith, khalas. Directement, tu corriges ta salat. Directement, tu corriges ta salat. Sur le jeûne, par exemple, tu entends que le Prophète sallam nous dit de prendre le repas d'avant le fajr. Il nous dit de rompre vite le repas, de rompre vite le jeûne une fois le soleil couché. Ben, tu prends cette sunna et tu la fais. Tu entends que le Prophète, après la prière du Eid, il ne priait rien. Avant, il ne priait rien, c'est-à-dire sur le lieu de prière. Une fois qu'il rentrait chez lui, il priait de rak'a. L'imam al-Hakim dit hadi sunnatun azizatun ilay. Il disait voici une sunna. L'imam al-Hakim disait voici une sunna qui m'est très très chère. Sahib sunna, quand il entend une sunna, il aime cette sunna, subhanallah. Un des savants algériens enseignait l'Arba'in al-Nawawiyah de l'imam al-Nawawi. Celui qui lisait sur lui rapporte et dit à chaque hadith que je lui récitais pour qu'il me l'enseigne, en cours, il pleurait. Allahu Akbar. Chaque hadith qu'il entendait du Prophète sallam, il prie, il pleurait. L'imam al-Bukhari, quand il a étudié Sahih al-Jami'a, quand il a étudié Sahih al-Bukhari, chaque hadith, il l'écrivait à la wudu. Et certains disaient, il priait avant, rak'atayn, puis il écrivait ce hadith. Certains parmi les savants, quand ils faisaient cours, si une personne riait ou souriait dans l'assise, ils la viraient de l'assise. Ikraman bi Rasulillah. Par respect envers la personne du message d'Allah. Par respect envers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants viraient des gens de leurs assises quand on parlait à son voisin pendant qu'il mentionnait le hadith. Et c'est ainsi qu'ont été éduqués les savants et qu'ils ont éduqué leurs élèves par la suite. Mais ceux qui n'ont pas goûté à l'éducation des savants pensent que les enseignants sont durs. Pensent que les enseignants ne font pas attention à la sensibilité de l'étudiant. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'il l'a aimé, il veut qu'il suive le chemin de ses anciens, le chemin de ceux qui ont immensifié le prophète alayhi salatu wassalam et la sunna. Comment est-ce qu'on pourrait se permettre de parler, de rigoler, de plaisanter, d'envoyer des SMS sans cas de force majeure alors qu'on entend qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah azza wa jalla? Non, ça c'est une assise du paradis. Il ne convient pas dans cette assise de plaisanter, d'être distrait et autres. Non, mais on doit apprendre à apprendre. On doit apprendre à apprendre. Et on doit aller voir nos enseignants, leur demander de nous apprendre comment se tenir dans le cours, comment se comporter dans le cours. Walhamdulillah. Et ici, on est tous pareils. On est des petits étudiants. Et quand on s'assoit ici, il n'y a pas le chir, un tel, c'est le chir d'un tel. Ici, on est entre frères et on s'entraide dans le rappel de l'étude des branches de l'islam. On a étudié alhamdulillah tawhid, on étudie toujours, on a étudié le fiqh, on étudie toujours, et on étudie sirah. Et on est très proche d'eux. De la fin de la sirah du prophète alayhi salatu wa salam. Il nous reste une année. Non, pour les pressés, je vous rassure, une année de sa vie. Pas une année, yani 360 jours qu'on va passer ensemble à me supporter. Non, c'est-à-dire qu'on est arrivé en l'an 10, on va finir l'an 10. Puis il y aura le décès du prophète alayhi salatu wa salam. Ali ibn Abi Talib était l'époux de qui? Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, lorsque vous allez revenir, vous allez tirer une faïda. Ali ibn Abi Talib a voulu se remarier sur Fatima. Le Prophète sallam a dit, si il l'épouse, donc l'autre femme, il la divorce, Fatima. Parce que parmi les particularités de la fille du Prophète sallam, Fatima, il y a le fait qu'on n'épouse pas Fatima et avec elle une autre, comme certains savants ont dit. D'accord. Pourtant, Ali ibn Abi Talib a pris une autre femme qui lui était halal. De cela, les savants ont tiré qu'il ne pouvait pas se remarier. D'accord. Mais que d'autres choses lui étaient licites. Ainsi, tu vois l'ambiguïté caduque de certaines femmes qui, poussées par leur jalousie naturelle, essaient d'utiliser l'histoire de Fatima, radiallahu anha, pour repousser une chose qui est mentionnée dans le Coran, au début de Surat An-Nisa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Pour finir, on finit sur l'ouverture du sujet de la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, qui sera un des cours les plus importants dans le fiqh qu'on tire de la sirah du prophète sallam dans le domaine du hajj. La semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, nous allons étudier hajjat al-wada', le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, il ne restera que deux événements. Et on aura, incha'Allah ta'ala, fini l'étude de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit, subhanallah, yani je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé, mais comme nous le disaient nos chouyours, « Al-barakatu ma'al istimrar » au fil istimrar. La bénédiction, elle vient avec la régularité. Et alors, on a fait deux cours par semaine. Puis on nous a interdit de faire deux cours par semaine. On est passé à un cours par semaine. « Qadar Allah wa masha'a fa'al » Mais Allah Azza wa Jalla a mis la baraka. Donc cours après cours, on a avancé. On est arrivé, alhamdulillah, yani, à la fin de cette étude. Et le but, c'est pas de finir l'étude. Le but, c'est d'apprendre de cette étude. Le but, c'est de s'éduquer, de se corriger à travers cette étude. À chaque fois qu'on vient en cours, quand on repart, on doit être meilleur parce qu'on a connu un peu plus le prophète sallam. On doit être meilleur dans notre croyance, meilleur dans nos adorations, meilleur dans notre comportement, meilleur dans notre douceur, meilleur dans notre fermeté dans la religion, meilleur dans notre mansuétude, meilleur dans la noblesse de caractère,